vieilles clopes passées à la machine, bien rincées, essorées, comme moi, comme toi, comme nous pourrions être. De mer, main dans la main, amoureux, insouciant, des tempêtes au loin, sur l'océan. Insouciant du cinquième, sixième, septième continent. Au bord, nous sommes au bord, nous allons à la limite. La limite. jusqu'au dernier rocher. Planète la plus proche. J'ai peur des bords. Débordé par nos ambitions, nous allons au bord. Quatrième vitesse, nous y allons, plus près des bords. Des bords, des bords, des bords. Nous débordons. Débordant d'activité, des idées plein les souliers, au plus haut, au plus profond, nous voulons aller. Even when I sleep, I just walk on the border. Even when I sleep, I just walk on the border. So much. One, it is over. One, it is so much. while l'année dissolve. Sometimes I love you. So glad to live in this world. All your voices are gone. All your melodies come from gone. It's over. Everyone, it is over. It's over. Even when I sleep, I just walk on the border. Sometimes I love you. Incredible. Trouble.